بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 91 dans l'explication du livre de Sheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah, Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, et le charh donc de ce livre. On est arrivé donc au pilier de la foi en le jour dernier, l'iman bil yawm al-akhir. Et ici maintenant le cheikh dit wa nu'minu bi fitnati al-qabr wa hiya su'al al-mayyit fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le cheikh dit nous croyons en l'épreuve de la tombe. Et l'épreuve de la tombe, c'est la question qui est posée au mort dans sa tombe au sujet de son Seigneur, de sa religion et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le cheikh, il explique ça. Il dit, « Nu'minu, yani, yu'minu biha haqqan. Yeah, » Fitnat al-qabr. « Nu'minu biha haqqan, li'anna al-Qur'an ashara ilayha. » والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا وفتنة القبر أن الإنسان يسأل في قبره عن ربي عن من ربك وما دينك وما نبيك ثلاث مسائل وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الصغيرة المباركة وهي ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. Donc ici le cheikh il explique que nous devons donc croire en l'épreuve de la tombe. Et l'épreuve de la tombe, c'est la question qui sera posée, hein, la question qui sera posée au mort lorsqu'il sera dans sa tombe à propos de son Seigneur. Qui est ton Seigneur? Qui est ton, hein, qui est ton, qui, quelle est ta religion et qui est ton prophète? Donc nous devons donc croire à ça. Et la raison pour laquelle on doit croire à ça, c'est parce que wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est parce que le Coran a fait allusion, hein, à cette croyance-là et à cet élément-là de la foi, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a clarifié de façon claire, hein, dans la sunna. Donc le Coran en a mentionné quelque chose et la sunna l'a expliqué, l'a clarifié de façon encore plus claire. Et donc le cheikh, il explique ici, il dit, attendez juste un instant. Non, donc le cheikh, il dit que la fitna, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe, c'est la question qui est posée dans la tombe de la part des anges qui viennent poser la question aux morts. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et c'est trois sujets ou trois questions. Et le cheikh, il explique ici que ces trois questions-là, c'est les trois questions sur lesquelles le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est basé pour écrire sa petite risala, hein, son petit livre béni, Al-Usul al-Thalatha, qui explique les trois fondements. Et les trois fondements, justement, c'est les trois réponses à ces questions. Les trois réponses à ces trois questions. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit ensuite, فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامِ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran le verset, c'est le verset dans Sourate Ibrahim, le verset 27, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah raffermit ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Hein? Ibrahim. Tu connais cette sourate, sourate Ibrahim? Tu l'as mémorisé? Pas encore? Parce que tu t'appelles Ibrahim, faut que tu mémorises. Tu mémorises la sourate qui porte ton nom, Inch'Allah. Donc, Allah a fermé ceux qui ont la foi par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, ici, le cheikh, il explique que la parole de fermeté, bien entendu, c'est le fait de répondre à ces questions. Parce que le croyant, il va être capable de répondre à ces questions-là. Il va dire, quand on lui demande qui est ton Seigneur, il va dire, Rabbi Allah, mon Seigneur, c'est Allah. Quand on va lui demander la question, quelle est ta religion, il va dire, Dini al-Islam, ma religion, c'est l'Islam. Et quand on va lui demander, Man Nabiyuk, qui est ton prophète, il va dire, Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète est Muhammad. Et si c'était quelqu'un qui vivait à l'époque d'un autre prophète, probablement que lui, il va répondre selon la réponse de son prophète à son époque. Et ensuite, le cheikh, il explique que qui est le en ce qui concerne le kafir ou l'hypocrite, le munafiq, lui, il ne va pas répondre correctement. Lui, il va dire, je ne sais pas. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose, alors moi je l'ai répété aussi, je l'ai dit moi aussi. Donc il ne va pas répondre correctement à cette question-là. Et le cheikh ici, il explique par rapport au verset, premièrement, il dit قَوْلُهُ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ نَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ يُثَبِّتُهُمُ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَقِّ في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقوله في الحياة يعني الظاهر أنها متعلقة بيثبت يعني أن الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة يعني في الحياة الدنيا فهذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت بل نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد فلا يفرون ولا ينهزمون. Donc il dit le cheikh ici que Allah subhanahu wa ta'ala il va raffermir ceux qui ont cru par la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire il va les raffermir dans cette vie, il va les raffermir dans l'autre vie aussi, dans l'au-delà. Et il dit, le cheikh, il fait un dua. Il dit, et on demande à Allah, Azza wa Jal, qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui sont raffermis. Qu'il fasse que nous soyons ainsi que vous aussi, parmi ceux qui seront raffermis par Allah, subhanahu wa ta'ala, par une parole de fermeté. Et la parole de fermeté, c'est la parole de vérité. Et il dit, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et donc, il explique que yani, ça revient là, dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire que Allah va raffermir le croyant. Et on dit qu'il va les raffermer dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà aussi. Et c'est-à-dire que les vrais croyants, Allah subhanahu wa ta'ala les raffermit leurs pas et raffermit leurs pieds dans le combat, par exemple. Ils ne vont pas fuir de l'ennemi et ils ne vont pas être vaincu non plus. Ensuite, il explique, il dit wa qawluhu fa yaqulu al-mu'minu rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam amma al-kafir wal munafiq fa yaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu warada al-hadith bi lafz amma al-kafir aw al-munafiq. وإذا طبقت هذا الجواب وقوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وجدته ينطبق على المنافق فالمنافق يسأل ولكن لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان في الدنيا يجيب بأفصح عبارة ولكن في القبر لا يجيب يقول ها لا أدري وتأمل في قوله ها تجده كأنه يعلم الشيء لكنه نسيه أو عجز عن النطق به وهذا يكون أشد حسرة مما لو لم يكن يعرفه فلو ضاعت لك 100 ريال مثلا وكان ذلك أشق عليك مما لو لم تملكها من قبل وهكذا العلم إذا أضعته بعد حصوله يعني صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا. Ici le cheikh explique que donc le croyant il va dire mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il va répondre à ces questions-là dans sa tombe et étant donné qu'il a été sincère et qu'il a été croyant, Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir et va lui permettre de répondre correctement à ces questions-là. Tandis que le kafir et l'hypocrite, le munafiq, il va dire je ne sais pas. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose, alors je l'ai dit. Et donc ce hadith-là, il a été rapporté avec la mention ou l'explication que c'est soit le kafir ou le munafiq qui va dire ça, l'hypocrite, le mécréant ou l'hypocrite. Sauf que lorsqu'on regarde la réponse, lorsqu'il dit « j'ai entendu les gens qui ont dit quelque chose, alors je l'ai dit », c'est comme si c'est plus, ça correspond plus à la réponse de l'hypocrite que de la réponse du mécréant. Parce que le mécréant, il n'a pas répété la parole de Tawhid. Tandis que l'hypocrite, il l'a répété, mais il l'a répété sans y croire, ou sans la comprendre. Donc le cheikh, il dit, l'hypocrite, donc, il va être dans sa tombe et il va être questionné, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Mais il ne sera pas capable de répondre. Il ne sera pas capable de répondre, même si dans la vie d'ici-bas, il était capable de parler avec les expressions les plus éloquentes et la façon de s'exprimer la mieux structurée. Toutefois, dans la tombe, il ne sera pas capable de répondre et il va dire « Ha, ha, la adri ». Et le cheikh, il explique que quand on observe comme il faut, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné quand il dit « Ha, ha, la adri », c'est comme si quelqu'un dit « Ah, ah ». Hein? C'est comme si il est dans l'embarras, il est dans la souffrance, parce que le cheikh dit c'est comme si il le sait, hein? Ou bien il se rappelle de quelque chose, mais il s'en rappelle pas assez pour être capable de le dire, ou bien il a oublié, il savait mais il l'a oublié, donc ça lui fait encore plus mal, hein? Ça lui fait encore plus mal. Ou bien il le sait mais il est pas capable de le faire sortir. C'est comme des fois quand tu dis j'ai quelque chose sur le bout de la langue. Tu veux le dire, mais tu n'es pas capable. Donc, c'est un exemple comme ça. Naam. Naam. En principe, le musulman, même s'il commet des péchés, il reste toujours musulman, tu vois, même s'il commet des péchés. Toutefois, est-ce qu'il va être capable de répondre à ces questions-là? En principe, s'il était croyant, il va être capable de répondre à ces questions-là, même s'il avait une foi faible. Parce que le musulman qui commet des péchés, c'est un musulman qui a la foi faible. D'accord? Donc, en principe, il reste toujours musulman. Et il a la foi faible. Donc, tant qu'il a de la foi, Inch'Allah, il va être capable de répondre. Celui qui ne sera pas capable de répondre, c'est celui qui n'était pas sincère ou qui était hypocrite ou qui était mécréant. Lui, on va lui poser ses questions, il ne va pas pouvoir répondre. Wallahu ta'ala a'lam. Et après, le cheikh, il dit ici ensuite, donc celui qui avait la connaissance mais qui l'a oublié, ou bien qui connaît la réponse mais qui est incapable de le prononcer, alors c'est plus dur pour lui. Il a encore plus de remords, encore plus de regrets. Hein, il se sent encore plus mal. Hein, il dit, le cheikh, il dit, c'est comme quelqu'un qui avait 100 rials. C'est comme si tu dis, tu avais 100 dollars, tu l'as mis dans ta poche. Tu sais que tu l'as mis dans ta poche. Et après, tu cherches plus tard, tu regardes, tu cherches dans tes poches, tu vides tout, tu regardes dans ton portefeuille, tu regardes, tu le vois nulle part, ton 100 dollars. Donc, tu vas être encore plus frustré que si tu ne l'avais même pas au début. Hein? C'est pas la même chose quand tu avais quelque chose puis que tu ne le trouves pas que lorsque tu n'as pas la chose depuis le départ. Donc, quand tu ne l'avais pas, c'est fini. Mais là, tu l'avais et tu ne sais plus où il est, où tu l'as perdu. Là, ça te fait encore plus mal. Et donc, ça, c'est l'exemple de la personne qui avait une connaissance de quelque chose, mais qui n'est pas capable de s'en souvenir. Ou qui sait qu'il sait, mais il n'est pas capable de le dire. Donc, c'est encore pire encore. Il dit ensuite, « Idhan, alladhi yadhar alladhi yus'al huwa al-mu'min wal-munafiq, amma al-kafir fala yus'al. Liannahu la hajata li su'alih. لأن الامتحان إنما هو للاختبار والكافر ساقط من أصله ولذلك فالكفار يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها. ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله العافية. ولكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، فنقول سمعنا وصدقنا وآمنا. أما ولفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك إنما يكون جوابا ممن قال ذلك وهو المنافق الذي لم يصل الإيمان قلبه، ثم المعنى يقتضي أن لا يسأل الكافر، لأن السؤال للاختبار والامتحان، والكافر ساقط من الأصل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. Donc le cheikh il dit donc ce qui est apparent, ce qui est le plus apparent, c'est que ceux qui vont être questionnés, c'est soit qu'il est croyant ou l'hypocrite. C'est ceux-là qui vont être questionnés seulement. Tandis que le kafir, lui, il ne sera pas questionné. Le non-croyant, le non-musulman, il ne sera pas questionné. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun besoin de lui poser la question. Puisqu'il est déjà mécréant. Il n'a pas cru. Donc ça ne sert à rien de lui poser même la question. Hein? Et il dit parce que la question, c'est dans le but de tester et d'éprouver le croyant. Et d'éprouver... la personne qui a prétendu la foi dans cette vie d'ici-bas, tandis que le kafir, lui, déjà à la base, il était mécréant. Et c'est pour ça qu'au jour de la résurrection, les mécréants ne sont pas jugés. On fait juste exposer leurs œuvres et les humilier par ces œuvres-là, par leurs péchés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, comme il mentionne dans le verset, « هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ » Ceux-là sont ceux qui ont menti à propos de leur Seigneur. Ala la'natallahi ala al-zalimin. N'est-ce pas que la malédiction d'Allah est sur les injustes? Mais s'il avait été rapporté de façon authentique et de façon explicite, et qu'il n'y avait aucun doute dans cette narration-là, ou dans le hadith, que le kafir serait questionné, alors on dirait oui, on entend et on croit, hein, et on affirme. Toutefois, le terme qui est mentionné dans le hadith implique que la personne qui va être questionnée, c'est seulement soit qu'il est croyant ou hypocrite, puisqu'il répond l'hypocrite en disant « j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai dit moi aussi ». Ça veut dire qu'il fait partie des gens qui ont répété la parole, tandis que les kuffars, ils ne répètent pas la parole du tawhid. Donc, ici, on voit que c'est clairement une parole de l'hypocrite. Et l'hypocrite, la foi n'est pas encore arrivée jusqu'à son cœur, parce qu'il n'est pas sincère. Et le cheikh, il explique que cette signification-là implique donc que le mécréant, lui, ne va pas être questionné, puisque la question a pour but de tester et d'éprouver la personne. Et le kafir, il est déjà à la base, il est tombé, il est déjà mécréant. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse, ainsi que vous-même, par la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Après, le cheikh, il explique, il dit, وَنُؤْمِنُ بِنَعِيمِ الْقَبْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32, dans surat An-Nahl, ceux que les anges, ceux dont les anges prennent leurs âmes alors qu'ils sont bons, ils sont tayyibin, ils leur disent paix sur vous, entrez dans le paradis pour ce que vous faisiez, entrez dans le paradis pour ce que vous faisiez comme bonne action. Hein? Et le cheikh il explique ce verset là en disant, يعني قوله ونؤمن بنعيم القبر. Il explique la phrase et le verset après. Il dit ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر ودليله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين أي طيبين في العقيدة، طيب العمل، يقولون أي الملائكة حال توفيهم يعني أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. وما فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة أدخلوا الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وما تقر به عينه. نسأل الله أن يجعلني نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. Donc le cheikh il explique que donc le nous croyons également en les délices de la tombe. Les délices de la tombe pour les croyants, et ça fait partie de la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est l'affirmation donc que l'affirmation que les croyants vont goûter aux délices dans la tombe. Et la preuve qu'il a mentionné le cheikh, c'est le verset dans sourate An-Nahl, le verset 32, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ceux dont les anges prennent leurs âmes alors qu'ils sont bons, ils diront, c'est-à-dire les anges vont leur dire, paix sur vous, entrez-y, entrez au paradis pour ce que vous faisiez comme action. Et donc, ça veut dire que les anges viennent les prendre, viennent prendre leurs âmes alors qu'ils sont bons. Bon dans la aqida, ils ont une bonne aqida, et bon dans leurs actions. Ils ont une bonne croyance, une bonne aqida et une bonne action, une bonne pratique. Et donc, les anges viennent arracher leurs âmes ou enlever leurs âmes à ce moment-là, au moment de leur mort. Et qu'est-ce qu'ils leur disent, les anges? Ils leur disent, entrez dans le paradis pour ce que vous faisiez, c'est-à-dire ce jour-là. Et le cheikh, il dit, donc si quelqu'un pose la question, oui, mais ça c'est un problème, parce que comment est-ce que la personne, elle meurt, puis tout de suite, les anges lui disent, entrez au paradis, alors qu'on sait qu'il va être enterré dans sa tombe. Donc comment on lui dit, entre au paradis ce jour-là, alors que ce n'est pas tout de suite que les croyants rentrent au paradis, c'est au jugement dernier, ce n'est pas maintenant. Alors, la réponse à cette question, le cheikh, il dit, on va répondre à ça en disant premièrement qu'il a été rapporté dans le hadith authentique qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Al-Bara ibn Azib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'homme meurt, sa tombe est élargie. Sa tombe est élargie. Et on va lui ouvrir une porte vers le paradis dans sa tombe. Et de cette porte ou de cette fenêtre, il va y avoir du vin ou de l'odeur du paradis et des délices du paradis qu'il va regarder. Il va voir ça et il va réjouir ses yeux de voir ça. Donc ça, c'est pour qu'est-ce qu'il y a comme preuve par rapport à ce qu'il y a comme délice dans la tombe pour les croyants. Maintenant, quelqu'un, comme des fois les koufars, subhanallah, et même les gens de bid'a parfois, qui n'ont pas compréhension de la foi en al-ghayb. Ils ne connaissent pas la foi en l'invisible. Donc, par exemple, ils vont dire, « Ouais, mais des fois, on ouvre une tombe de quelqu'un qui est déjà mort, et quand on regarde dans la tombe, on creuse, on sort on ouvre sa tombe, et on n'a pas vu que c'était élargi à l'intérieur. On n'a pas vu que il y avait du feu ou des délices dans sa tombe. C'était seulement de la terre. C'est parce que en réalité, ce dont Allah subhanahu wa ta'ala parle et ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle dans les hadiths à propos des délices de la tombe et des châtiments de la tombe, ça n'a pas rapport avec ce bas monde en réalité. C'est une autre dimension. Parce que les croyants dans leur tombe sont dans une autre dimension, dans le barzakh. On appelle le barzakh. Et dans le barzakh, il y a des réalités que les êtres humains ne peuvent pas voir et ne peuvent pas entendre. Seulement les morts peuvent les voir et les entendre. Non. Exactement. Mohamed, tu as raison. Barakallahu fik. Donc, si on pouvait juste en creusant dans la tombe, voir les délices de la tombe, puis voir les châtiments de la tombe, eh bien, dans ce cas-là, il n'y aurait plus de doute pour les koufars qui rejettent la foi. Ils auraient fait ça, creusé, ils auraient vu ça, ils auraient dit, ah, mais c'est vrai, hein? Il y a quelque chose dans la vie après la mort, il y a quelque chose après la mort, donc on croit en Dieu, on croit en l'islam, et ils auraient tous accepté l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que les hommes soient croyants, il veut que les hommes acceptent l'islam, mais il veut que les gens acceptent l'islam par la foi, pas en leur montrant la vérité directement, mais pour qu'ils acceptent la foi par les signes que Allah subhanahu wa ta'ala a donnés et par les preuves qu'il a révélées dans la révélation. Pas uniquement juste que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il va montrer aux êtres humains les anges, hein, puis que nous tous, on va voir les anges, ou nous tous, on va voir le raïb. Si on voyait Allah ou si on voyait les anges dans ce bas monde, il n'y aurait plus de doute, il n'y aurait plus de test, il n'y aurait plus d'épreuves. Hein? Tout le monde serait mu'minin. Donc c'est ça, hein, la sagesse derrière le fait qu'on ne puisse pas voir qu'est-ce qu'il y a dans le raïb. Hein? Et donc des fois, on trouve des gens, par exemple, comme des koufars, ils vont faire des tests, des analyses scientifiques pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Hein? Et il y en a d'autres qui... Ouais, j'avais lu ça. OK, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais écoutez qu'est-ce que les gens ils racontent des fois. Ils disent que quand quelqu'un il meurt, ils disent qu'ils prennent le poids d'une personne quand elle est vivante. Puis ils prennent son poids juste quelques instants après qu'il soit mort. Ils ont dit qu'il y a comme 21 grammes de différence. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Allahu a'lam. Mais il y en a... Eux, ils essaient de dire peut-être que ça, c'est la preuve qu'il y a l'âme. Hein? Puis que quand le corps, il meurt, il perd son âme. Donc, il devient plus léger que quand il a son âme. Allahu a'lam. C'est juste pour vous dire qu'il y a toutes sortes de théories comme ça. Parce qu'il y a des gens qui essaient de tout rationaliser la foi. Ils veulent ramener toutes sortes de rationalisations pour essayer de prouver, soi-disant, la foi est vraie. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de tout ça pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme quelqu'un qui, dernièrement, me posait des questions à propos de la foi et à propos des preuves. C'est quoi les preuves de l'existence de Dieu? C'est quoi les preuves de que l'islam, c'est la vraie religion? C'est quoi les preuves de tout ça? Et subhanallah, et j'ai dit, mais les preuves, il y a plein de preuves dans le Coran. Et c'est des preuves de la révélation et des preuves rationnelles, même que Allah il nous mentionne dans le Coran pour qu'on puisse réfléchir à la vérité. Et aussi, quand on observe juste la façon comment Allah a créé le monde, la façon comment Allah a créé la vie, la façon comment Allah a créé les êtres humains, comment il a créé les animaux, comment il a créé les insectes, comment il a créé la matière, comment il a créé notre corps, nos cellules, nos organes, hein, et tout ce qui fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes, hein, comment les bébés se font et comment ils viennent au monde. Tout ça, c'est des exemples qui montrent que ça fait partie des miracles d'Allah et des signes, hein, que tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, hein, et qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui. Donc, pour le croyant, ça, c'est des preuves suffisantes, hein, c'est des preuves claires. Et même Allah dit dans le Coran, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Afillahi shak, Afillahi shak. Est-ce qu'il y a un doute à propos d'Allah? Il ne peut pas y avoir de doute. Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal ard, bal la yuqinun. Est-ce qu'ils ont créé, est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont créés tout seuls? Ils sont apparus tout seuls? Ou bien ce sont eux les créateurs? Ou bien est-ce que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? Hein? Ils ne sont pas certains, ils ne savent rien, ils ne sont pas dans la certitude, ils sont dans le doute. Hein? Mais les preuves sont claires à ce sujet-là. Et c'est pour ça que les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, quand tu regardes dans les révélations, la plupart d'entre eux, leur débat et leur argument, ce n'était pas avec des athées. Ce n'était pas avec des athées. Pourquoi? Parce que les athées dans l'humanité sont une minorité, il y en a très peu. Par rapport aux gens qui croient en Allah ou qui croient en Dieu, mais qui adorent d'autres que lui. ou qui adorent d'autres avec lui. Ceux-là sont beaucoup plus nombreux que les athées. Hein? Et donc, le combat qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple, c'était en grande majorité des peuples qui croyaient déjà en l'existence d'Allah, mais qui ne croyaient pas correctement en la foi, en Allah, ou qui adoraient avec Allah des idoles ou des divinités et qui ne rendaient pas leur culte exclusif à Allah seul. Donc, ils sont venus leur enseigner le tawhid et leur enseigner la ilaha illallah. Et si par la même circonstance, certains d'entre eux avaient des doutes en l'existence d'Allah, eh bien, ils leur clarifiaient les preuves de ça. Et ils réfutaient leurs ambiguïtés ou leurs doutes sur ce sujet-là. Regardez Pharaon qui disait « Ana rabbukum al-a'la » et qui niait l'existence d'Allah, qui disait qu'il était le Seigneur et je ne sais pas quoi. Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré les preuves et les signes pour qu'il accepte la foi. Et malgré tout, il n'a pas voulu croire. Donc les gens, il y en a des gens qui pensent que si on explique à quelqu'un toute la vérité et qu'on lui montre toutes les preuves que l'islam est la vérité et que la foi existe et que Allah existe et tout ça, ils pensent que ça veut dire que les gens vont automatiquement accepter cette preuve et cette vérité. Alors que la réalité qu'on constate chez les êtres humains, ce n'est pas le cas. Même si on donne à quelqu'un toutes les preuves et toute la vérité de la façon la plus claire possible, mais que la personne, elle refuse d'accepter et elle veut se rester aveugle, elle ne va pas accepter toutes les preuves au monde, même si on lui montre toutes les preuves. Et même il y a des versets dans le Coran qui mentionnent que même s'il voyait les montagnes qui marchent, et même s'il voyait des grands miracles, leur cœur, quand il est aveuglé, ils ne vont pas croire parce qu'ils refusent d'accepter la vérité. Parce que c'est contraire à leur désir et à leur passion. Des fois, il y a des gens ici, des fois, c'est parce que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et aussi, les gens, comment ils sont, ils veulent être faire comme tout le monde. Hein? Donc, étant donné qu'on vit dans une époque où les gens, la majorité des gens, surtout ici dans ce pays, au Québec par exemple, les gens, ils n'aiment pas parler de religion. Ils n'aiment pas la religion. Donc, si quelqu'un, il dit devant les gens, « Oui, moi, je crois en l'existence d'Allah. Je crois en Allah. Hein? Allah, il est vrai. Je l'adore. » Les autres, ils vont avoir un mauvais jugement de lui. Hein? Alors, il a honte de dire ça. Donc, il ne veut pas dire. Il ne parle pas d'Allah, il ne parle pas de Dieu, il ne mentionne pas Allah, jamais. Et donc les gens, ils ont honte de la foi. Et c'est pour ça que le prophète s'en est dit dans un hadith, celui qui me mentionne dans une assemblée, je vais le mentionner dans une assemblée meilleure encore. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a des hommes aujourd'hui, ils auraient honte de mentionner Allah dans une assemblée, devant des gens, devant des êtres humains. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont peur de se faire ridiculiser ou de se faire dénigrer. « Ah, toi, tu crois en Dieu, toi? Ah, c'est quoi ça, la foi? C'est quoi ça, la religion? Hein? » C'est comme ça que les gens pensent. Alors qu'au contraire, lorsque tu défends ta foi, lorsque tu défends la vérité devant les hommes et que tu mentionnes Allah dans les assemblées, eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il t'honore. Il va te mentionner dans une assemblée meilleure encore. Hein? Il ne faut pas avoir honte ou être gêné de mentionner la foi. Et des fois, il y a des musulmans qui pensent que la notion de croire en Allah, c'est quelque chose qui est exclusif aux musulmans. Dans le sens qu'ils pensent que les koufars, ils ne connaissent rien de ce qui a rapport avec Allah ou la religion. Alors que c'est faux. Tous les êtres humains connaissent Allah. Parce que Allah, ça fait partie, c'est quelque chose que Allah a inscrit dans la fitra de chaque être humain. Chaque être humain, peu importe sa religion, son origine, son pays, son ethnie, sa couleur, sa langue, si tu lui expliques qui est Allah, il va comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il va accepter la foi. Ça ne veut pas dire qu'il va vouloir croire. Et ça ne veut pas dire qu'il va vouloir suivre. Et ça ne veut pas dire qu'il va vouloir obéir. Et ça ne veut pas dire qu'il va vouloir adorer. Hein? Donc, reconnaître l'existence d'Allah, c'est une chose. Savoir que Allah existe, c'est une chose. Mais croire et se soumettre et suivre les messagers, ça, c'est autre chose. Et c'est ça que beaucoup de gens comprennent pas. Donc, la croyance en le raïb, c'est un fondement parmi les fondements de la religion. Et donc, la religion, c'est pas comme une formule mathématique, hein. Tu peux faire mx plus b, hein, y égale mx plus b, tu trouves la courbe de la... Hein? Non, ce n'est pas comme ça. La religion, ce n'est pas une formule mathématique. La religion, ce n'est pas quelque chose que je peux t'expliquer par un théorème, hein, ou une explication mathématique, logique, hein, telle façon, telle, ça et ça et ça et ça. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est une question aussi de foi. Il faut quand même accepter, il faut croire. Hein? Mais beaucoup de gens, ils n'acceptent pas la foi, justement. C'est ça la différence. Et aussi, la révélation d'Allah, elle mentionne les preuves de la foi. Mais il y a beaucoup de gens qui refusent de croire en les messagers. Ils veulent être des messagers eux-mêmes. Comme s'ils espèrent que Allah leur donne la révélation à eux. Hein? Allah même dit dans le Coran, bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munashara. Hein? Chacun d'entre eux, ils veulent qu'on leur donne des feuilles ouvertes. Hein? Ouais. Arin Allah jahra. Il demandait à Moussa alayhi salam, montre-nous ouvertement Allah, on veut le voir. Ils ont été frappés, foudroyés à ce moment-là alors qu'ils regardaient. Hein? C'est comme quelqu'un qui est le terme là il m'échappe, mais c'est pour dire c'est quelqu'un qui a pas de respect, tu vois, qui est dérespectueux, qui est mal élevé, hein, avec Allah. Il n'a pas de manière avec Allah. Il ne sait pas comment parler. Il dit, montre-nous Allah. Mais c'est quoi ça, hein? Non, il faut être respectueux avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? On parle du créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers. On ne parle pas de n'importe qui. Hein? Et donc, le cheikh, il explique ensuite... وَقَوْلُهُ أُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الباء هنا للسببية فإن قلت إنها للسببية فقد سلمت وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفي القرآن آيات متعددة يقول تعالى فيها بما كنتم تعملون فنقول ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات فالباء في الآيات للسببية يعني بسبب العمل والباء في الحديث للمعاوضة كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة بعوض أو عوضا عن عمله ولكن يدخل الجنة بسبب عمله الفرق ظاهر. Donc il dit le cheikh qu'on entre dans le paradis, hein, par nos actions, c'est-à-dire à cause de nos actions, mais ça ne veut pas dire en échange de nos actions. C'est une grande différence entre le fait de dire à cause de nos actions et en échange de nos actions, parce que si tu dis « en échange », c'est comme si tu disais que les actions sont le prix de l'entrée au paradis. Et ça, c'est, dans ce cas-là, ça veut dire que ça a rapport avec... comme si tes actions avaient la valeur du paradis. Hein? C'est comme si je te dis, par exemple, j'ai acheté, par exemple, comme le cheikh, il dit, j'ai acheté ce thawb, ce qamis, hein, pour un dirham, par exemple. Donc, la valeur du vêtement, c'est de 1 dirham. Et donc, quand tu dis « je rentre au paradis par mes actions », ça voudrait dire que c'est comme si la compensation ou le prix du paradis, c'était ces actions-là, alors que ce n'est pas le cas. on rentre dans le paradis à cause des actions. Mais la vraie raison ou la vraie chose qui nous fait rentrer au paradis, c'est pas les actions elles-mêmes. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nul n'entrera au paradis excepté, hein, nul n'entrera au paradis par ses actions, c'est-à-dire en compensation ou par rapport à la valeur de ses actions. Non. Il va rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah seulement. Et les sahabas ont dit, même toi, ô messager d'Allah, toi, tu ne vas pas rentrer au paradis par tes actions, même toi, ô messager d'Allah. Il a dit, même moi. Seulement si Allah me couvre de sa miséricorde, c'est à ce moment-là que je pourrai rentrer au paradis. Donc, les versets qui mentionnent que on rentre au paradis par les actions qu'on a faites, ça veut dire à cause des actions qu'on a faites et non pas en échange de ces actions-là. Et donc, ça, c'est la distinction entre les deux choses. Et le cheikh, il dit ensuite, « وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُعَوِضَكَ والله لتخسرن خسارة مؤكدة لأنك لو أحصيت ما أنعم الله به عليك بنوع واحد من النعم لكان يستغرق جميع أعمالك فمثلا النفس الذي لا يشق عليك ولا يتعبك ولا يكلفك هو نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس فهذه النعمة لو أنها قوبلت بعمل الشخص فكم نسبة عملت بالساعات يعني هل هي 3 ساعات في اليوم والليلة وقد تكون 4 وقد تكون 5 وقد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله حتى النوم حتى النوم فإنه ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها وبهذا يكون النوم عبادة وحقيقة فالموفق يستطيع أن يجعل أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة فإن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله والله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه فينوي بأكله وطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله فصار ذلك عبادة وينوي بذلك القيام بواجب نفسه لأن الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه حتى إنه إذا جاع وخاف الموت وجب عليه أن يأكل وجوبا فإن قال لا يجب وأنا صابر على الموت فقلنا بل يجب أن تأكل لتؤدي النفس لتؤدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لتؤدي النفس حقها فصار أكلك الآن عبادة وكذا اللباس فإنك تلبس الثوب وتستر عورتك لتتنعم به بالوقاية من البرد أو الحر قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم إلى آخره المهم والله إنه تفوت علينا أشياء كثيرة تضيع علينا كله بسبب الغفلة عن النية وإلا فلو استحضرنا النية لكانت كل حركاتنا وسكناتنا عبادة نثاب عليها. Donc le cheikh il explique ici que si on compare par exemple nos œuvres par rapport à par exemple à des grâces que Allah nous a données, eh bien on verrait clairement que on serait perdant. On serait complètement perdant. Pourquoi? Parce que une seule de ces grâces que Allah nous a données peut a plus de valeur que toutes les œuvres qu'on a pu faire dans notre vie. Et le cheikh il donne un exemple avec la respiration. Il dit, tu vois par exemple quelqu'un qui a un problème de respiration, par exemple, il a le souffle court, il peut pas respirer bien. Lui, il apprécie la valeur de cette grâce. Toi, tu respires, hein, parfaitement, sans aucune fatigue, sans aucune difficulté. Hein, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu respires tout seul automatiquement. Il y a des gens qui n'ont pas cette grâce-là. Il y a des êtres humains, parmi les êtres humains, ils ont du mal à respirer. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de chercher l'air quand ils respirent. Hein, et ils ont besoin, pour respirer, des bonbonnes d'oxygène. Hein. Ils se promènent avec des bonbonnes d'oxygène pour respirer, subhanallah. Donc, ça, c'est une grâce parmi les grâces d'Allah. Toi, tu la calcules pas parce que tu l'as, cette grâce-là. Mais le jour que tu la perds, tu réalises sa valeur. Et même si tu faisais toutes les adorations au monde, eh bien, tu ne pourrais même pas payer, hein, cette grâce-là de la valeur de qu'est-ce qu'elle a comme valeur, hein, yani, par rapport à tes actions que tu as faites. Donc, si c'est le cas pour une seule parmi les grâces d'Allah, imagine si tu réunis toutes les grâces que Allah t'a faites, hein, la vue, l'ouïe, hein, l'odorat, yani, l'intelligence, la réflexion, yani, les sens que Allah t'a donnés, toutes ces grâces-là réunies ensemble, hein, eh bien, tu peux pas repayer Allah pour tout ça. Si Allah te demandait, ok, aujourd'hui, tu dois payer. Pas payer tout ça. Hein? Si quelqu'un te dit, bon, tes parents, ils te disent, tu dois me remettre tout l'argent que j'ai dépensé sur toi jusqu'à aujourd'hui, depuis ta naissance. Comment tu vas lui donner? Combien tu vas donner à tes parents? Tu peux même pas payer ça. Hein? Tu vas passer toute ta vie, hein, à payer ça. Même si tu dois payer le temps qu'ils ont pris aussi pour s'occuper de toi. Hein? Et la fatigue qu'ils ont eue en t'élevant et tout ça. Tu peux pas remettre ça. Et ça, c'est des êtres humains, des créatures. Imagine le Créateur, lui, t'a donné des parents. Ça, c'est une grâce aussi. Il t'a donné la grâce d'avoir des parents, subhanallah. Hein? Sinon, il y a des enfants, ils sont nés orphelins, ils n'ont pas de parents. Leurs parents sont morts quand ils étaient bébés. Hein? Ça, c'est une grâce. Est-ce que tu es capable de repayer tout ça? Impossible. Donc, ça, c'est la preuve que tu ne peux pas. Hein, yani, entrer au paradis juste par tes œuvres. C'est seulement par la grâce d'Allah que tu peux rentrer au paradis. Mais les œuvres sont une cause pour pouvoir y rentrer. C'est ça la différence. Et il dit, en réalité, on peut faire en sorte que toutes nos heures et notre temps dans notre vie soient une adoration. C'est possible. Et la façon d'y arriver, c'est comment? C'est en faisant en sorte que toutes nos choses qu'on fait dans notre vie soient avec l'intention. On fait tout ce qu'on fait avec l'intention. Par exemple, par exemple, tu vas dormir, tu vas dormir dans le but de te reposer pour être capable de faire en sorte que ton corps soit capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça devient un sommeil qui est une adoration en même temps. Parce que ton sommeil, tu as dormi avec une intention qui est de pouvoir être capable d'avoir la force pour être capable d'adorer Allah. La même chose aussi, par exemple, pour la nourriture que tu manges. Et c'est ça la différence aujourd'hui entre les gens qui, par exemple, ils vivent pour manger et les gens qui mangent pour vivre. Hein, ça, c'est la différence. Le croyant, il ne vit pas pour manger, il mange pour vivre. Parce que la nourriture qu'il mange, la nutrition qu'il se donne à son corps, c'est uniquement de manger qu'est-ce qui est nécessaire pour lui pour être capable d'être assez fort, pour être capable d'établir l'adoration d'Allah, pour être capable de s'occuper de ses obligations, de ses responsabilités, pour remplir ses devoirs. Parce que les obligations qu'il a envers Allah, c'est les adorations. Et les obligations qu'il a envers les créatures, ça, c'est des devoirs que Allah lui a imposés aussi. De s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa femme, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses proches, et ainsi de suite. De faire son travail s'il a une responsabilité, s'il a une responsabilité dans la vie des autres personnes, il doit aussi avoir la force pour être capable de faire ça. Hein? S'il a besoin, par exemple, de défendre l'islam ou de défendre les musulmans, de combattre pour la vérité, il a besoin d'avoir une force physique aussi pour ça. Il faut qu'il se garde son corps fort, il doit être en forme, il doit être physiquement capable. Hein? Alors tout ça, ça veut dire que il le fait pour Allah, même dans des affaires de la dunya, hein, et des affaires qui ont rapport avec manger, hein, eh bien il va être récompensé par Allah pour ça, ça sera une adoration. Quand il mange dans ce but-là, dans cette intention-là, Allah va le récompenser pour ce qu'il mange. Naam. Et même dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même celui qui est marié, il a des rapports avec sa femme, Allah, il le récompense pour ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, les sahabes, ils étaient choqués, ils étaient surpris. Ils ont dit, même l'être humain, il fait ça, et il a du plaisir, et Allah, il le récompense pour ça. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, il le récompense pour ça. Parce que s'il avait fait qu'est-ce qui est haram, en dehors du mariage, il aurait été puni. Donc s'il le fait dans le mariage, il est récompensé. Donc ça, ça montre que même des choses qui sont des choses de la dunya, des choses qui sont juste, même des choses qui sont des choses qui t'amènent du plaisir, eh bien Allah il te récompense pour ça. Hein? Et ça, c'est pour te faire comprendre que si tu, comme le cheikh il dit, nous, il dit, on perd beaucoup d'occasions de faire des bonnes œuvres, hein, parce qu'on n'a pas l'intention. Hein, quand on fait des choses, parfois, on est dans l'insouciance. On fait les choses par habitude ou machinalement, sans se mettre dans l'intention que ce qu'on fait, c'est pour Allah. Il dit même la façon de s'habiller. Lorsque tu t'habilles, Allah t'a ordonné de t'habiller pour hein, te protéger contre les éléments, contre le froid, contre la chaleur. Hein, tu protèges ton corps. Ça, c'est une obligation. Et pour préserver tes parties intimes, tu te couvres ton corps, ta nudité. Ça aussi, ça fait partie des obligations religieuses. Donc, même dans le fait de s'habiller, il y a une récompense là-dedans. Il y a des kuffars, ils pensent, non, c'est pas grave. On n'a pas besoin de s'habiller. Hein? Mais quand il fait moins 40 dehors, ils n'ont pas le choix de s'habiller, hein, qu'ils le veuillent ou non. Ou bien s'ils vont dans le désert, hein? Il n'y a personne qui va aller sans vêtements dans le désert. À moins qu'il va mourir, c'est clair. Il va se faire brûler par le soleil. Donc les gens, ils sont ridicules, hein, des fois, les koufars, là. Quand quelqu'un, il n'a pas de foi, en réalité, il peut faire n'importe quoi. Il n'y a rien qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Parce qu'il ne voit pas le bien. Il ne voit pas la raison des choses. Il ne comprend pas la raison derrière les choses. Hein? Chacun, il se base sur sa passion quand il n'a pas de foi. Et c'est ça le malheur. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, « وَأَقُولْ لَوْ أَنَّ أَحَدًا قَابَلَ نِعْمَةَ اللَّهِ نَوْعًا وَاحِدًا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِعَمَلِهِ أَوْ بِعَمَلِكَ الصَّالِحِ لَا يَسْتَغْرِقُ كُلَّهُ ثُمَّ نَقُولْ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ تَوْفِيقَكَ لِلشُّكْرِ نِعْمَةٌ تستوجب الشكر لأن كثيرا من الناس حرم الشكر فإذا أنعم الله عليك ووفقك لشكر النعمة واستعملتها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر وفي هذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. Donc ici le cheikh il dit, donc même si tu prenais toutes les actions que tu as fait, eh bien, ça ne pouvait pas combler même une seule des grâces parmi les grâces d'Allah que Allah t'a données. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il y a certains des ulama qui disent que si Allah t'a donné le succès d'être reconnaissant et de dire merci pour les grâces qu'il t'a données, eh bien, déjà ça, c'est une grâce aussi. Le fait que Allah t'ait donné la grâce de le remercier pour ses grâces, c'est une grâce qui nécessite une reconnaissance encore. Donc, chaque reconnaissance nécessite une autre reconnaissance aussi. Donc, quand tu dis Alhamdulillah. Eh bien, dis Alhamdulillah que Allah t'a permis de dire Alhamdulillah. Et Alhamdulillah encore que Allah t'a permis de réaliser ça. Donc, c'est comme si en réalité, une reconnaissance en exige une autre. Et c'est toujours comme ça. Hein? Jamais. On ne peut jamais être assez reconnaissant. Et même si on est, c'est comme si même si on essaie d'être reconnaissant ou d'être assez reconnaissant, on n'y arrivera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si tu essaies de compter les grâces d'Allah, tu ne vas jamais être capable de les calculer ou de les énumérer tellement il y en a. Tellement il y en a, c'est impossible. Est-ce que tu es capable de remercier Allah pour chaque cellule que tu as dans ton corps? Hein? Combien il y a de cellules dans ton corps? Des milliards? Des milliards de milliards? Est-ce que tu es capable d'être reconnaissant à Allah pour ça? Ça, c'est tes cellules à toi. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah. Hein? De la visite rare. Comme on dit au Québec. un revenant. Inch'Allah, inch'Allah. Ça fait plaisir, Hassan, de te voir. Eh, mashallah, ça fait longtemps. Donc, c'est ça que le cheikh, il explique. Il dit, tu dois toujours être reconnaissant. Puis, une reconnaissance, ça en demande une autre. Et puis, il a même cité une parole d'un poète à ce sujet-là qui va dans ce sens. Le cheikh, il dit ensuite, وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِلظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Donc, ici le verset, le cheikh en premier dit, nous croyons qu'il y a un châtiment dans la tombe pour les injustes et les mécréants. Et il mentionne le verset 93 dans Surat Al-An'am. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le fait que les anges viennent pour prendre les âmes des injustes. Hein? Et il dit, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, hein, fi ghamaratil maut, et que les anges leur tendront les mains en disant, akhrijou anfusakum, faites sortir vos âmes, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Hein? Et le cheikh, il explique ce passage-là, il dit, قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَى أي لَوْ تَرَى هَؤُلَاء لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَجَبًا جَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ وَيُحْذَفُ فِي مِثْلِ هَذَا لِيَذْهَبَ الذِّهْنِ كل مذهب في تقديره. Donc ici le cheikh il mentionne dans le verset, il dit walau tara, et si tu voyais, idh al-zalimuna fi ghamarat al-maut wal malaikatu basitu aydihim. Donc yani il dit ici que dans ce verset là la réponse de walau, voilà, Outara, et si tu voyais, en général, quand tu dis ça en arabe, et même en français, tu dis, si tu pouvais voir ce qui arrive à ces gens-là, ça veut dire quoi? En réalité, il faut qu'il y ait une réponse à ceci-là. La réponse, en fait, c'est, si tu voyais qu'est-ce qui arrive à ces gens-là lorsque les anges viennent pour prendre leurs âmes, tu aurais vu quelque chose d'effrayant, quelque chose d'étonnant. C'est ça, en fait, la réponse. Et ici, le cheikh, il dit, En arabe, des fois, les Arabes, ils yahdifoun al-jawab. C'est-à-dire que la réponse du si, ils ne la mentionnent pas dans leurs paroles. Pourquoi? Pour laisser la personne imaginer la plus grande ou la plus pire conséquence. Hein? Pour laisser à la personne s'imaginer la façon la plus complète ou la plus. C'est-à-dire pour aller à la limite de qu'est-ce qu'elle est capable d'imaginer dans son esprit par rapport à qu'est-ce qui arriverait s'il pouvait voir ça. Hein? C'est dans ce sens-là ici. Et il dit, wa qawluhu, wa alaykum salam, Allah, il dit, wa qawluhu, idhi dhalimuna al-muradu bihim al-kafirin. Hein? Li qawlihi ta'ala wal-kafiruna hum al-dhalimun. Il dit, lorsque les injustes, et les injustes, qui sont les injustes? Le cheikh il dit, les injustes, ce sont les mécréants. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 254, dans surat al-Baqarah, wal-kafiruna hum al-dhalimun. Hein? Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Donc les injustes sont les mécréants en réalité. Les mushrikoun, ceux qui font le shirk. Parce que le shirk, c'est la plus grande injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Donc les injustes sont les kuffars. Il dit, wa qawluhu fi ghamaratil maut. Ay fi sakaratil maut. Hein? Allati taghmuruhum. Ici, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ghamarat al-maut. Ils l'ont traduit dans la traduction par les affres de la mort. Et des fois aussi, on dit l'agonie de la mort. Les affres, c'est le pluriel de affres, c'est-à-dire la grande angoisse ou la frayeur ou le tourment. C'est-à-dire le tourment qui accompagne l'agonie. Donc les affres, c'est l'angoisse, la frayeur et le tourment qui accompagnent l'agonie. Donc ça, c'est l'anxiété qui accompagne l'agonie de la mort, lorsque quelqu'un est proche de la mort. Et donc ça, c'est... l'état dans lequel ces koufars-là, ils sont au moment de leur mort. Hein? Et demandez à des gens qui ont vu des personnes dans cet état-là ou dans cette situation-là, vous allez voir. Parce que la différence entre cette personne qui est dans les affres de la mort, au moment où les anges viennent prendre son âme, c'est pas la même chose pour le croyant et pour le mécréant. Et il dit, wa qawluhu wal malaikatu basitu aydihim. أي الملائكة الذين يعني كلفوا بقبض أرواح ما يعني مادوا أيديهم. C'est-à-dire les anges, eux ils sont dans les affres de la mort au moment de l'agonie et les anges sont là en train de venir pour prendre son âme et ils tendent les bras, hein? Ils tendent les bras vers la personne en disant faites sortir vos âmes. Hein? Faites sortir vos âmes. Laissez sortir vos âmes. Donc, ça, c'est pour dire à quel point ce moment-là est un moment effrayant. Parce qu'il y a des anges à qui Allah a donné la charge de recueillir les âmes au moment de la mort. Hein? Donc, il y a l'ange de la mort qui est aidé par d'autres anges aussi pour récolter les âmes. Hein? C'est pas. Un seul ange qui, à lui seul, récolte tous les âmes. Il dit, Akhrijou anfusakum. Annahum shahihun. Jiddan fi nufusihim. Wala yawudduna an takhruja nufusuhum. Li annahum, wal'iyadhu billah, yubashshiruna بغضب من الله وعقاب من الله وتنفر النفس وتتفرق في الجسد هربا مما أنذرت به يقولون أخرجوا أنفسكم اعطونا إياها. وتصوروا هذا المشهد، وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. دونك لو شيخ يلدي les anges ils disent laissez sortir vos faites sortir vos âmes, donnez-nous vos âmes, hein, parce qu'ils viennent pour les prendre, ces âmes. Et c'est comme s'ils sont avares, ils ne veulent pas donner, hein, leur âme aux anges de la mort à ce moment-là. Et c'est comme si en réalité, elle ne veut pas sortir cette âme, parce qu'elle voit qu'est-ce qui l'attend de la colère d'Allah, du châtiment d'Allah. Donc elle fuit, hein, l'âme, elle fuit à l'intérieur du corps de la personne. Hein, et elle se sépare à l'intérieur de son corps pour s'enfuir et pour ne pas, hein, pour ne pas faire face à qu'est-ce qui l'attend et ce à quoi elle a été contre quoi elle a été avertie. Même que dans le hadith, il y a la mention du fait que lorsque les anges de la mort viennent, il y a les anges de la miséricorde et il y a les anges du châtiment. Les anges qui viennent recueillir les âmes pour les gens qui sont parmi les gens, les croyants, ce n'est pas les mêmes anges que les anges de ceux qui sont des mécréants et des criminels. Parce que lorsque les croyants, les anges viennent chercher leur âme, c'est les anges de la miséricorde. L'âme qui sort de la personne, elle sort comme si yani, elle se laisse sortir, elle coule. Hein, doucement et facilement du mort. Tandis que la personne qui rencontre les anges du châtiment, quand ils viennent pour prendre son âme, la description qui est mentionnée dans le hadith, c'est comme si une broche qui est prise dans de la laine ou du coton. Hein, vous voyez l'image? Hein, une broche qui est accrochée dans de la laine ou dans du coton et on tire dessus, c'est très très difficile, hein, pour qu'elle s'enlève, cette broche. Et donc ça c'est l'exemple qu'ils ont mentionné de l'âme du mécréant. Quand il l'arrache, hein, de son corps, elle ne veut pas sortir. Et donc ils doivent, hein, l'arracher avec force, tandis que l'âme du croyant, elle coule doucement et facilement. C'est ça la différence. Hein? Et il dit ensuite, ثُمَّ قَالَ تَعَالَ الْيَوْمَ لِلْعَهْدِ الْحُضُورِ الْحُضُورِ أي يَوْمَ تَأْتِ الْمَلَائِكَةُ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ أي تُجْزَوْنَ عَذَابَ الذُّلِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ بسببين. الأول الكذب على الله والثاني الاستكبار عن عبادة الله والباء هنا السببية فهذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذابه وهناك أدلة أخرى. Donc il dit le cheikh que les anges ils disent aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce jour-là, les anges viennent prendre l'âme de la personne et ils lui disent « Tu seras récompensé par le châtiment de l'humiliation. Hein? » Ils vont être humiliés à cause des mensonges qu'ils disaient contre Allah et à cause de l'orgueil, de l'arrogance qu'ils avaient vis-à-vis des versets d'Allah et de ses signes. Hein? Ils s'enflaient d'orgueil, ils refusaient d'accepter, hein, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et il refusait de l'adorer. Et donc ça, c'est deux preuves parmi les preuves du Coran au sujet des délices de la tombe et au sujet du châtiment de la tombe. Et il y a d'autres preuves que ça aussi. Comme le verset dans Surat Ghafir, Al-Yawma yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. C'est-à-dire aujourd'hui, on leur présente le châtiment matin et soir. Et au jour de la résurrection, hein, on va faire rentrer la famille de Pharaon au plus dur du châtiment. Ça veut dire que depuis la mort de Pharaon jusqu'à la fin des temps, hein, il est présenté au châtiment dans sa tombe le matin et le soir. Et au jour de la résurrection, ils vont le, Allah va le faire rentrer au plus dur des châtiments, c'est-à-dire l'enfer éternel. Donc ça, c'est une preuve pour le châtiment de la tombe. Non, mais ça, c'est un exemple. C'est comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il mentionne l'exemple de Pharaon, mais ça, c'est général pour tous les koufars, en fait. Le châtiment de la tombe, ce n'est pas spécifique à une seule personne. Et les preuves, maintenant, le cheikh, il mentionne les preuves de la sunna par rapport au châtiment de la tombe. Et il dit, « Wa amma sunna faqad tawatarat bithalika tawaturan » تواترا لا نظير له فإن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر لأن عذاب القبر كل الناس يقوله فكل مسلم يقول في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فهو يشبه أن يكون كتواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير. Le cheikh dit en ce qui concerne la sunna, eh bien, ça c'est quelque chose qui est mutawatir. Tawatur, ça veut dire quoi tawatur? Ça veut dire c'est tellement nombreux, tellement rapporté par tellement un grand nombre de personnes que c'est, ça ne peut pas être autre chose que la vérité. Et les exemples des hadiths qui sont rapportés sur le châtiment de la tombe, il n'y a pas plus un exemple de tawatur que ça. Parce que tous les musulmans, qu'ils soient grands ou petits, dans chaque prière, ils récitent le dua « Je cherche refuge en Allah contre le châtiment de l'enfer et contre le châtiment de la tombe ». Ça, c'est un dua que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de faire. Et donc, ça, c'est presque comme le Coran, presque, parce que les gens le récitent autant presque le Coran. Et c'est quelque chose qui est donc mutawatir. Tout le monde le dit. Et le cheikh, il dit, وَالْأَحَادِثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَتْ بِهِ أو كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان. Donc le cheikh il dit, et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux, pas seulement au sujet du châtiment de la tombe, mais tous les éléments de ce qu'on a mentionné par rapport à la vie, par rapport à la foi en le jour dernier. Et il dit le cheikh que le croyant il doit accepter et croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna au sujet de ces choses, de l'invisible, et il ne doit pas s'objecter à ce qu'il voit, il ne doit pas s'objecter à ce qu'il y a dans la foi ou dans les textes du Coran et de la Sunna par rapport à ces éléments-là, par rapport à qu'est-ce qu'il constate ou qu'est-ce qu'il est, ce dont il est témoin dans cette vie d'ici-bas en faisant des analogies entre les deux. Parce qu'on ne peut pas faire d'analogie entre les affaires de la vie d'ici-bas qui sont apparentes et les choses de l'au-delà qui sont des choses de l'invisible. Comme j'ai mentionné l'exemple tout à l'heure à propos de la personne qui dit « Si on regarde dans la tombe, on ne voit pas de feu, on ne voit pas de délice. » Donc, ils pensent que ça veut dire que ça n'existe pas. Parce que eux, ils veulent des preuves concrètes, disons, dans le sens qu'ils veulent voir des choses réelles palpable dans cette vie d'ici-bas des choses du raïb. Et on n'a pas de comparaison ou d'analogie à faire entre ces deux mondes-là parce que c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Et il y a des ulama qui ont donné des exemples. Par exemple, moi je me rappelle, j'avais lu ça dans un livre, je pense même que c'était le Cheikh Ibn Uthaymin justement qui disait ça. Que dans, même Cheikh Al-Fawzan aussi, j'ai lu un livre à ce sujet-là, il parlait de ça dedans. Il dit, c'est comme lorsque quelqu'un, par exemple, il est en train de rêver, dans son sommeil. Il voit des choses parfois comme s'il ressent la douleur, il ressent la chaleur, il ressent le froid. Il voit des choses qui lui font peur, comme si elles sont réelles parfois. Donc, et pourtant, la personne qui est à côté de lui dans le lit, il est à la même place et pourtant il ne ressent pas ça. Donc, il est même pas au courant de qu'est-ce que l'autre il vit, hein, à ce moment-là. Peut-être que l'autre il est en train, son cœur commence à battre très fort dans son, dans sa poitrine là, il est en train de courir alors qu'il bouge pas, tu vois. Et tout ça pour dire que si c'est un exemple qu'on est capable de comprendre par rapport à quelque chose dans ce bas monde, alors que dire de qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà, hein? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est un mystère pour les êtres humains. C'est un mystère pour les êtres humains parce qu'il n'y a personne qui peut voir qu'est-ce qu'il y a après. Hein? C'est la seule façon qu'on peut connaître des choses de qu'est-ce qu'il y a après, c'est par la révélation d'Allah, par qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qui est dans les hadiths. Et donc, personne ne peut parler de science dans ces affaires-là. Personne ne peut parler de science ou d'expérience scientifique ou de théorie scientifique. Non. Ça, c'est des choses qui ont rapport avec le Ghaib. Et on a tous, hein, peu importe notre origine, peu importe le monde d'où on vient, le pays d'où on vient, peu importe notre culture, on a tous les questions au sujet de qu'est-ce qu'il y a après la mort. C'est, on a tous les mêmes questions, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait pas savoir ça. Hein? Et la seule façon de le savoir, c'est de demander hein, aux prophètes et aux messagers. Bien entendu, les prophètes et les messagers ne sont pas avec nous aujourd'hui, parce que le dernier des messagers, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, hein, ça fait 1400 ans. C'était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il nous a laissé la révélation qu'Allah lui a donnée, le Coran et les hadiths, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a après la mort et pour nous préparer justement à ça. Parce que ce n'est pas suffisant juste de dire, oui, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Il faut faire les actions pour se préparer. Ce n'est pas juste, oui, je crois qu'il y a quelque chose, puis après tu ne fais rien. Non, il faut faire les actions, il faut se préparer pour ça. Et le cheikh, il dit, on va lire ça, c'est la fin du chapitre de la foi en le jour dernier. On a fini ça. Donc, je vais terminer les derniers points. Le cheikh, il dit, « وَيَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا حَدِثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَةِ حَتَّى يَكُونَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. » Donc, il dit, pour être parmi les vrais croyants, il faut croire en le ghaib, parce que Allah, il dit à propos des croyants que ce sont ceux qui croient en le ghaib. « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ » Ceci est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidance pour les pieux. Ceux qui croient en le ghaib. Donc, si tu ne crois pas en le ghaib, Yanni, tu ne peux pas être guidé. Il y a des gens comme ça, ils ne comprennent pas ça. « Nasallallahu al-afiyah » Après le cheikh, il dit wa qawluhu alla yu'aridaha bima yushahidu fi ad-dunya li'anna ba'd an-nas wa la'yadhu billahi yunkiru 'adab al-qabr wa fitnat al-qabr wa yaqulu kayfa yakun hadha wa nahnu nahfiru al-qabr fi awwal yawmin aw thani yawm wa ba'da wad' al-mayyit fihi wa najidu anna al-qabra huwa lam yuwassa' wa laysa fihi athar 'adab ونجد أن البدن كذلك لم يتغير وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو يوضع عليه اللبنة اللبن وما أشبه ذلك فينقسون أمور الآخرة بأمور الدنيا وهؤلاء ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون فليسوا مؤمنين بالغيب بل المؤمن بالغيب يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا أما هؤلاء والعياذ بالله فهم قوم ملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. Donc le cheikh il dit, on ne doit pas s'objecter à qu'est-ce que Allah a mentionné à propos du ghaib parce qu'on est témoin de par ce par quoi on est de quoi on est témoin dans ce bas monde des éléments de la vie d'ici bas. Comme par exemple, l'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure, il dit, ah, il y a des gens, quand quelqu'un il meurt, ils vont dire, ah, si on creuse dans la tombe un jour après ou deux, on ne va rien trouver de qu'est-ce que, qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths. La tombe ne s'est pas élargie, on n'a pas vu de châtiment, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. Hein? Et comment la personne, on va l'asseoir dans sa tombe alors que les briques sont remplies ou bien la terre est sur lui et des choses de ce genre. Le cheikh il dit, on ne peut pas faire des analogies ou des comparaisons entre les choses de l'au-delà et les choses de la dunya. Donc ceux qui parlent de cette façon-là, en réalité, ne sont pas croyants. Ce ne sont pas des croyants. Ils ne croient qu'en ce qu'ils voient ou en ce qu'ils peuvent toucher ou ce qu'ils peuvent sentir avec leurs sens. Et ça, ce n'est pas l'attitude du croyant. Parce que le croyant, il croit en l'invisible. Hein? Il croit au ghaib. Et, et le croyant qui croit au ghaib, lorsque Allah et son messager disent une chose, ils disent « haqqan, haqqan, haqqan hein? ». C'est la vérité. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, on croit seulement en qu'est-ce qu'on voit. Je veux voir, je veux la preuve. Hein? Et ça veut dire que c'est des athées en réalité. Ces gens-là, ce n'est pas des croyants. Et dernièrement, c'est ça, il y a quelqu'un qui me posait des questions sur toutes sortes de questions par rapport à l'islam. C'est quoi la preuve de ci? C'est quoi la preuve de ça? C'est quoi la preuve que c'est quoi la preuve que l'adultère, c'est mauvais? C'est quoi la preuve que hein? C'est quoi? Pourquoi c'est mauvais? Moi, je trouve pas ça mauvais. Yani, le zina, c'est pas. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi c'est interdit? Je vois pas pourquoi c'est interdit. Pourquoi on punit la personne qui fait le zina? Pourquoi il y a la lapidation? Je comprends pas. Hein? C'est quoi les preuves? Je veux des preuves scientifiques. Yani, la personne qui parle comme ça, elle n'est pas croyante. Il dit, yani, soit tu veux savoir, est-ce que Allah il l'a révélé ou il l'a dit réellement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné réellement. Si tu sais que c'est dans le Coran et dans la Sunna, tu dois l'accepter parce que tu es un moumine. Hein? Mais de savoir la sagesse derrière la règle, peut-être que tu peux en connaître certaines sagesses. Mais même si tu n'en connais pas la sagesse, ton devoir c'est de l'accepter et d'y croire. Si tu comprends la sagesse derrière, alhamdoulillah, tant mieux. Mais si tu n'y arrives pas à la comprendre, cette sagesse, mais tu dois tout de même t'y soumettre et l'accepter. Et ça fait de toi un moumine. Ça fait de toi un croyant. Et c'est la différence entre le moumine et le kafir. Hein? Parce qu'il y a des fois des musulmans, ils vont parler avec des koufars. Et quand ils ne sont pas capables de convaincre ces koufars de qu'est-ce que l'islam dit, ils commencent à eux-mêmes avoir des doutes. Parce qu'ils disent, mais pourquoi ces koufars-là, ils n'acceptent pas la vérité alors que je lui ai mentionné la vérité? Mais parce que c'est Allah qui guide de toute façon. Ce n'est pas toi qui guides. Toi, tu peux mentionner les preuves et expliquer à la personne les questions qui ont rapport avec la vérité. Si la personne refuse de l'accepter, peut-être que la personne, elle n'est pas sincère. Peut-être que la personne, elle suit ses passions. Peut-être que la personne, elle ne veut pas entendre la vérité. Hein? Et même si tu lui expliques de la meilleure façon pourquoi il y a des prophètes qui sont venus et personne ne les a suivis, est-ce que tu penses que toi, tu es meilleur que les prophètes? Les prophètes, ils expliquent de la meilleure façon. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui ont refusé de croire en leurs explications et en leurs preuves. Hein? Les prophètes, quand ils sont venus, alayhimussalatu wassalam, non seulement ils ont donné les preuves et les explications, ils ont même fait des miracles. Hein? Jésus, alayhissalam, Isa, quand il est venu, le fils de Marie, il a fait plein de miracles. Il a fait même vivre un mort par la permission d'Allah. Il a guéri des aveugles par la permission d'Allah. Il a fait guérir des lépreux par la permission d'Allah. Et malgré ça, il y a des gens qui ont refusé de croire en lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a fait plein d'exemples, plein de miracles. Hein? Il a fait fendre la lune devant les gens. Hein? Il leur a récité le Coran. Il leur a dit, essayez de produire un verset pareil. Ils n'ont jamais été capables de l'imiter. Tous les miracles et les preuves leur ont été présentés. Ils ont refusé de l'accepter malgré tout. Donc toi, parce que toi, tu parles avec un kafir, hein, que le kafir refuse d'accepter de toi, tu penses que, yani, ça veut dire que tu commences à avoir des doutes en la foi? Yani, alors dans ce cas-là, yani, tu penses que tu es meilleur que les prophètes? Hein? Ça, c'est vraiment l'arrogance de la part de certains. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh, il dit, فَنَقُولُ نَحْنُ لَا نُعَارِدُ هَذَا بِمَا نُشَاهِدُهُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا لِأَنَّ أُمُورِ الْآخِرَةِ لَا تُقَاسُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَهُوَ ظَاهِرِ. Donc, on ne va pas faire d'analogie ou de comparaison, hein, et on ne va pas s'objecter aux affaires de l'au-delà par rapport à des choses qu'on voit dans la vie d'ici-bas. Parce que les choses qui ont rapport avec l'au-delà, c'est un autre monde. C'est différent. Si quelqu'un dit, mais comment ça, Allah, dans le Coran, il dit que dans le paradis, il y a des rivières de lait et des rivières de miel, hein, et des rivières de vin. Mais si, comment il peut y avoir des rivières de miel et des rivières de vin? Ça, ce n'est pas possible. Hein? Et toi, tu dis que ce n'est pas possible parce que tu compares avec la vie d'ici-bas. Mais si Allah il te dit que ça existe dans l'au-delà, ça dit que ça existe. Hein? C'est pas comme tu dois faire commencer à faire des analogies. Tu fais des calculs mathématiques. Ah, scientifiquement, selon telle règle, il faut que la rivière elle soit de telle façon pour que ça fonctionne. Sinon, hein, la gravité, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu de quel droit tu t'objectes? Hein, à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ces choses-là. Toi, tu penses que tu connais mieux le ghaib, hein, que Allah? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la même chose aussi pour des choses comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous voyez la rivière dans ce bas monde, comment elle coule? Elle coule dans un lit. Hein? La rivière, elle coule dans un lit. Hein? Elle coule dans un lit, ça veut dire elle a des rives, hein, de chaque côté qui la dirige, hein, la rivière. Les rivières dans l'au-delà, dans le paradis, elles coulent sans lit. Elles coulent dans les airs. Tu peux pas imaginer ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les femmes du paradis, al-hur al-ayn, on voit l'intérieur de leurs jambes à travers leur chair. On voit la moelle de leurs os à travers leur peau. Mais toi, tu ne peux pas imaginer ça. Comment ça? Dans le paradis, les gens ne vont pas aux toilettes. Tu n'as pas envie, tu ne vas pas aller aux toilettes. Et quand ils veulent faire leurs besoins, le prophète s'en dit, ça sort comme du parfum de leur peau. C'est comme un parfum qui sort de leur peau. Ah, c'est un petit peu, comment tu vas expliquer ça scientifiquement, toi? Tu dis, mais non, le système digestif, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Mais ça, c'est parce que c'est une autre réalité, c'est un autre monde. Ce n'est pas comme cette dunia. Dans le paradis, tu as faim, tu vois l'oiseau qui vole, tu le veux, il descend pour toi, préparé sur une assiette, il se sert devant toi comme ça. Tu le manges. Tu n'as pas besoin de casser la tête à essayer de le tuer avec une arme ou de chasser. Non. Hein? Seulement en voulant le manger, il vient et se prépare pour toi pour que tu le manges. Hein? Tu ne peux pas comparer ça avec cette vie d'ici-bas. Donc, quelqu'un qui vient là avec sa mentalité, comme les Mu'tazila, les gens de Bid'a, ou bien les philosophes, là, non, ça, c'est pas possible. Hein? Astaghfirullah. Donc, quand Allah, il dit quelque chose, nous, on croit, parce qu'on est des mu'minin. Depuis que la chose est authentique, on l'accepte. On n'accepte pas n'importe quoi. On ne croit pas en tout. Qu'est-ce que les gens, ils disent? Ils inventent des mensonges sur Allah et sur son messager, et puis ils disent, ça, c'est le raïb. Non. Il faut que la chose soit authentique. Il faut que ce soit dans le Coran ou soit dans le hadith sahih, le hadith authentique. Si c'est des hadiths faibles ou des hadiths fabriqués ou des choses que les gens disent sans aucune référence, on ne l'accepte pas. Si c'est un hadith fabriqué, on dit non, ça c'est bâtre et ça c'est faux. On ne croit pas en ça. On croit seulement en ce qui est authentique dans notre religion. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des gens de bid'a, ils inventent des hadiths, ils inventent des faussetés, ils inventent n'importe quoi. Et il y a des mouchriquines aussi, ils inventent n'importe quoi à propos d'Allah et de la religion, et on ne croit pas en ça. On croit uniquement en ce qui est authentique. Et ensuite, le cheikh, il dit, « وَقَوْلُهُ فَأُمُورُ الْآخِرَةِ لَا تُقَاسُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا لِظُهُورِ الْفَرْقِ الْكَبِيرِ بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ عَلَى أَنَّنَا نَقُولُ لِهَؤُلَاء أَلَيْسَ الْوَاحِدُ مِنْكُمْ فِي مَنَامِهِ يَرَى فِي الرُّؤْيَا أَنَّهُ قَدْ زَارَ أَصْدِقَاءَهُ وأنه قد وصل البلد الفلاني وأنه قام وأنه على فراشي ولم يتغير، حتى يعني لحافه لم يستيقظ عن ظهره، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة. ومع أن تعلق الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت، فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى فما بالك بالميتة. Donc le cheikh il donne l'exemple de ce qu'on a mentionné par rapport au rêve, hein, par rapport à qu'est-ce qu'il y a hein, dans l'au-delà et au châtiment de la tombe. Donc si on est capable de comprendre une réalité dans notre rêve, hein, donc, et que ça a rapport avec quelque chose qui est dans cette vie d'ici-bas, donc dans ce cas-là, comment on n'est pas capable d'imaginer quelque chose de ce genre qui a rapport avec la tombe ou qui a rapport avec l'au-delà? Et aussi, il y a une chose que Cheikh Al-Fawzan expliquait par rapport à ça dans le châtiment de la tombe. Il dit que si quelqu'un, par exemple, il n'a pas été enterré, parce que ça arrive des fois que quelqu'un peut être mort et son corps est complètement brûlé ou désintégré, ou bien, par exemple, il a été mangé par un animal, ou bien il a été complètement... il n'y a pas de restant de son corps. Alors, dans ce cas-là, est-ce que lui aussi, il va quand même avoir un châtiment de la tombe? Oui, il va quand même avoir un châtiment de la tombe. Cheikh Al-Fawzan, il dit, même si son corps est accroché en haut d'un arbre, hein, et qu'il meurt là-bas et qu'il reste accroché là-bas, eh bien, les anges vont prendre son âme et puis il va avoir ses questions et les réponses et toutes les épreuves de la tombe de la même manière que les autres. Parce que le barzakh, ce n'est pas seulement l'endroit que nous, on imagine par rapport à la terre. C'est un état hein, qui a rapport avec une autre dimension qui est différente de cette vie d'ici-bas. Et donc, si quelqu'un n'a pas été enterré ou que son corps a été avalé par un animal, un requin ou un lion ou je ne sais pas quoi, hein, il va aussi avoir son châtiment de la tombe lui aussi quand même. Et le cheikh il dit fal muhim annahu yajibu alayna fima yata'allaqu bi umur al-akhirah an nu'mina wa nusallim wa la naqulu kayf wa lima an-nas yawm al-qiyamati fi sa'idin wahid tara al-mu'minina yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim wal kafiruna fi dhulmah laysa 'indahum nur wal maqam wahid والزمن واحد ولكن أمور أخرى لا تقاس أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا ولهذا قال لظهور الفرق بينهما والله المستعان وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر المتردد المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا حق ولا إشكال فيه والملحد يتردد وينكر. Donc, il dit, le cheikh, il dit, donc l'important, c'est de savoir que y a des choses les choses de l'au-delà, elles ne sont pas comparables avec les choses de cette vie d'ici-bas. Nous devons juste croire et nous soumettre. Et on ne doit pas dire comment ou pourquoi. Non. Qu'est-ce qui a rapport avec le jour de la résurrection? On doit croire tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, on va être dans un endroit, un seul endroit, tous les hommes, et les femmes qui ont vécu depuis Adam jusqu'au dernier, tout le monde réuni dans une seule place. Et le cheikh, il dit, les croyants, ils vont voir une lumière devant eux, بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. À leur droite et devant eux, ils auront une lumière. Tandis que les kuffars, eux, ils vont être dans le noir et l'obscurité, alors qu'ils sont à la même place. Comment expliquer ça? Ça, il dit, le cheikh, il dit, ça, c'est des choses de l'au-delà. On ne peut pas comparer avec cette vie d'ici-bas. Même, je pense justement par rapport à ce que le cheikh il dit, au jour de la résurrection, lorsqu'on attend le jugement, le prophète s'en a dit, le soleil sera proche de nos têtes dans cette vie d'ici-bas. Si le soleil sera proche, pas seulement de nos têtes, juste de quelques centimètres, il sera proche de la tête, de la terre, peut-être que la terre va être complètement brûlée. Hein? Alors que ce jour-là, non, on est capable de supporter la chaleur du soleil. Et il y en a qui vont être dans leur sueur hein, jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, d'autres jusqu'aux épaules. Et certains vont être même, leur nez vont être Yani dans la sueur, ça veut dire qu'ils vont être noyés dans leur propre sueur. Alors que d'autres à côté d'eux ne sont pas comme ça. Comment expliquer qu'un se noie dans sa sueur et l'autre non? Ça, c'est Allah, hein? Ça, c'est des choses qui n'ont pas avec l'au-delà. C'est une autre réalité et nous, on ne peut pas comprendre. Mais la seule chose qui est importante, c'est de croire. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, hein, on l'a entendu et on y croit et on se soumet. Il n'y a pas de problème. Tandis que l'athée ou le mécréant, lui, il cherche des objections dans chaque point, dans chaque petit détail. Mais pourquoi? Mais comment? Hein, le croyant, il doit accepter. Il ne doit pas commencer à questionner à chaque point, hein, à savoir pourquoi et comment. Sinon, il n'est pas mu'min. Il va faire comme les koufas qui disaient, hein, montre-moi Allah, je veux voir Allah. Ou pourquoi Allah ne me donne pas une révélation moi aussi? Je veux être un prophète. Je veux voir les anges. Hein? Non, Allah, il n'a pas voulu que ce soit comme ça. Il a voulu que, hein, qu'on soit testé et éprouvé pour savoir qui est sincère et qui ne l'est pas. Hein? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته le prochain chapitre qui nous attend c'est al-iman bil qadar c'est le dernier chapitre pas le dernier chapitre mais disons le dernier pilier parmi les piliers de la foi hein? Et c'est après ce sera certains fruits qui découlent de la foi en ces piliers-là. Hein? Les fruits qui découlent de la foi en les piliers. Et donc, après, on aura conclu le livre, Inch'Allah. Donc, on est proche, on approche de la fin, là, Inch'Allah. Subhanakallah, donc j'ai déjà fait le dua. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine pour la suite.